Le Salon Noir. La Pentecôte serait-elle une journée archéologique ? On se souvient de la montée de François Mitterrand sur la roche de Solutré, site éponyme de la culture préhistorique, le Solutréen. Sans évoquer Gergovie, entachée par les âges sombres de l'État français, c'est désormais Arnaud Montebourg qui gravissait hier le Mont Beuvray, l'antique cité de Bibracte, là même où Vercingétorix fit l'union des armées gauloises, où César séjourna après la chute d'Alésia. Quoi qu'il en soit, notre quête sera aujourd'hui souterraine. Une tombe, la plus grande tombe jamais découverte, où flotte le mystère, un labyrinthe, des textes et une bibliothèque perdue, le tout dans une odeur assurément putride, voire pestilentielle. Pour s'y aventurer, il faut être archéologue, mieux égyptologue. Claude Tronecker, bonjour. Bonjour. Professeur émérite à l'Université de Strasbourg, vous œuvrez sans relâche à la compréhension de cet exceptionnel ensemble sépulcral, la tombe de Padia Ménopée. Dès le XVIIIe siècle, nous voici devant une tombe sans fin, dangereuse, pleine de chausse-trappes et de passages secrets. Le mythe de la tombe de Padia Ménopée vient de naître ? Oh oui, et il est très vivant, je peux vous l'assurer. C'est d'ailleurs ce mythe qui m'a conduit à m'y intéresser, parce que on ne savait pas ce qu'il y avait. On avait envie de savoir ce qu'il y a dans ces couloirs. Elle était ouverte depuis toujours, pillée probablement de longue date. Elle était pillée très tôt, je pense. Et au XVIIIe siècle, c'était le grand monument de Thèbes. À la description de l'Égypte, les savants de Bonaparte, c'est la seule tombe qui apparaît sur leur plan général de la nécropole. Et c'était une tombe, on disait, voilà, un tel est rentré, il est jamais sorti, il y a toute une série de mythologies, et elle est physiquement dangereuse, il y a des accidents de temps en temps. Et alors, pourquoi ce mythe? Parce que des tombes, il y en a partout. Oui, mais celle-là, on peut pas s'y orienter sans avoir fait un relevé. Les autres tombes sont assez simples, celle-là est extrêmement compliquée, c'est un vrai labyrinthe. Alors, où se trouve-t-elle? Justement, elle se trouve pas n'importe où en Égypte, elle se trouve dans un endroit très important. Elle se trouve dans la vallée de l'Assassif, qui est une plaine devant le temple de Deir al-Bari, que tout le monde connaît. Donc c'est un très très bel endroit. Je veux dire que quand je sors de la tombe, sentant mauvais avec les pestilences des chauves-souris, quand je lève la tête, que je vois la falaise thébaine, le temple d'Hatshepsut, c'est absolument magnifique. Ils se sont fait enterrer là, lui et tous ses collègues, parce que il y avait un culte local extrêmement important. Quel culte ? Ben c'était un culte, je pense d'ailleurs que c'est Padia Ménopée qui l'a mis en place, envers les divinités qui sont des protecteurs de la nécropole, ce que nous appelons les cultes des cadères. Quel est le paysage tout autour ? Les paysages, ce sont des falaises de calcaire, ce sont des pylônes en briques de la tombe de Mondomat. C'est très romantique, à vrai dire. C'est très, très beau. On est à Louxor, on est à Thèbes ? On est à Louxor, c'est-à-dire là, on est dans la nécropole de Thèbes, la capitale religieuse de l'époque. Voilà. Prise d'Aven passe dans la grotte ? À Prise d'Aven a fait des relevés, a fait des dessins. Et ça nous pose un peu problème parce qu'il a repéré un nom d'un pharaon plus ancien, alors il y a eu des problèmes chronologiques. Mais on a de très beaux dessins de Prise d'Aven. Ils l'ont tous visité. Mais personne n'a osé la publier parce que dès qu'on a dépassé les premières salles avec des dizaines de milliers de chauves-souris, la pestilentielle, c'est très pestilentiel, et puis c'est très noir, c'est très abîmé, donc elle est pas très belle, hein, à vrai dire. Elle est un peu austère. Et donc c'est un savant allemand qui a d'ailleurs créé l'Institut d'Égyptologie de Strasbourg, qui a eu l'idée de la publier. Alors il y a travaillé à partir de 1884, 10 ans après il meurt. Quel est son nom? Johannes Dumichen. Dumichen. Il l'a publié? Alors il a publié, 15% du matériel qui est dedans, pas plus. À peine 15%. Et ensuite, après sa mort, Gaston Maspero, qui était directeur de service d'antiquité, a dit « on ne peut pas travailler dans cette tombe tant qu'il y a les chauves-souris ». Donc, on la mure. Le drame, c'est qu'en murant la troisième porte de la tombe, il y a trois salles avant, et ça servit de magasin aux antiquités découvertes dans les fouilles voisines. Et en Égypte, vous savez, une fois qu'on a un magasin avec des antiquités numérotées, on peut plus faire grand-chose d'autre. Donc elle a été bloquée jusqu'en 2005. Donc j'ai obtenu l'autorisation avec mes collègues de l'Institut français du Caire et l'Université de Strasbourg. Nous avons vidé tous les objets qui étaient dans cette tombe pour les mettre dans un magasin. Et puis on a pu, enfin, en décembre 2005, ouvrir la porte et rentrer. Vous me parliez de pestilence. Cette pestilence, elle est due à quoi exactement? Tout simplement, les excréments de chauve-souris font une couche continue sur les sols de la tombe et ça exhale de l'ammoniac. C'est de l'ammoniac, au fond. Les masques que nous portons sont des masques à ammoniac. Donc vous fouillez vraiment avec pas de l'oxygène, mais presque. Presque. Il faudrait d'ailleurs, si jamais nous trouvons un sponsor, il faudrait qu'on ait un système d'aération, parce qu'on peut pas travailler sérieusement. Et puis il y a des problèmes techniques. Il y a un appartement dont nous avons la porte dans le fond de la tombe. Il y a quelque chose derrière. Il y a un tas de déblais, mais comment voulez-vous enlever ces déblais? Il y a deux puits de 7 mètres successifs et 120 mètres de galerie. Et il faut penser à la sécurité des ouvriers. On peut pas faire ça n'importe comment. Et il y a toujours des chauves-souris? Non. Elles n'y sont plus. Grâce à Dieu, elles n'y sont plus. C'est une chose qui arrive assez fréquemment, ces chauves-souris. J'ai souvenir d'un égyptologue qui, lui, avait des puces, par exemple. Oui. Et puis il y a les serpents, il y a un tas de choses. Mais c'est vrai que ces dernières années, on en voit de moins en moins. Moi, je me souviens d'une visite de tombe, on était agressé par les chauves-souris. Maintenant, il y en a moins en moins. Je ne sais pas pourquoi. De quelle époque date cette sépulture? Alors, elle date d'une période très intéressante. En termes de dynastie, on est à la fin de la 25e dynastie, au début de la 26e. En termes un peu moins ésotériques, je dirais qu'on est à une période. L'Égypte a été commandée par des souverains africains qui venaient du sud, mais qui sont rentrés dans la culture égyptienne. Et les suivants vont être des souverains du nord de l'Égypte, bien égyptiens. Et entre les deux, il y a de la guerre avec les Assyriens. Donc c'est une période très trouble. Les Africains, ce sont les Nubiens dont vous parlez? Oui, c'est des Nubiens. Enfin, nous les appelons les Éthiopiens, ils sont de Haute Nubie. Et c'est eux qui, d'un seul coup, prennent le pouvoir de l'Égypte. Ils prennent le pouvoir. Oui, mais il faut savoir qu'ils ont été colonisés très tôt par les Égyptiens, comme a dû vous l'expliquer Charles Bonnet, ici même, il y a quelque temps. Et donc, ils étaient très admiratifs de la civilisation pharaonique. Donc, ils étaient plus pharaonistes que les pharaons eux-mêmes. Et donc, ils étaient très friands de tout ce qui est le décorum pharaonique. Et comme ils étaient n'avaient pas tellement la culture au départ, ils ont choisi des collaborateurs. Et je pense que Paddy Aménopé était un conseiller pontifical, probablement du roi Taharqa. Taharqa, moi je ne l'ai pas connu, personne d'ailleurs. Était-ce un bête guerrier? Était-il cultivé? Nous ne savons pas très bien. On ne peut pas très bien cerner les psychologies de ces personnages. Mais en tout cas, quand il avait un problème avec les rituels égyptiens, il devait demander à Monsieur Paddy Aménopé, qui lui savait, qui était un savant, un collègue. Un égyptologue, finalement. Vous me dites le règne de la 25e ou 26e dynastie, ça fait à peu près quoi en siècle, ça? Oh, c'est pas très long. La 25e dynastie fait un petit siècle. 26e est un peu plus longue et ensuite il y a les Perses qui vont arriver. Mais ce qui est intéressant, je pense que Paddy Aménopé, en tout cas c'est mon idée qui m'obsède. Vous savez, on est un peu tous des obsédés quand on travaille comme ça sur un monument. Paddy Aménopé, il est toujours avec moi. Je pense à lui, parfois il m'inspire. Et je suis persuadé, ça ne peut pas dire que c'est vrai, que cet homme a dû être confronté avec d'autres civilisations. Il a dû connaître les Grecs, puisque les premières implantations grecques sont à peu près dans ces eaux-là. Il a connu les Assyriens, les autres civilisations, et s'est dit « Ah ben, il n'y a pas que nous sur Terre ». Et donc, il a dû prendre conscience des particularités de sa civilisation. Avec d'autres, d'ailleurs. C'est une période, il y a une sorte de renaissance, on va chercher des vieux monuments qu'on étudie. Entre le 7e et le 6e siècle avant notre ère, puisque c'est à peu près ça l'époque, comment se présentent généralement les tombes de cette époque à Louxor? Alors à Louxor, justement, nous avons que des tombes de hauts personnages de cette période qu'on peut bien identifier. Elles sont assez étranges en ce sens qu'elles ont un côté très, comment dirais-je, très de prestige. En général, c'est des grandes cours, des grandes salles. Et puis, au fond, bon, c'est, disons, un appartement d'apparat. D'ailleurs, Duchesne a appelé la tombe de Paddy Aménopé Scrap Palace, hein, le palais funéraire. Il y a un peu de ça. Mais, si vous voulez, au bout de la grande salle, la deuxième grande salle, si c'est quelqu'un de très riche, on a une petite salle, une petite pièce, on fait le culte funéraire, et dans un coin, il y a un puits, au fond du puits, il y a une petite pièce, on ne descend pas, il y a la momie dans son sarcophage, voilà. Tandis que lui est allé beaucoup plus loin. On a déjà beaucoup fouillé, par exemple, ce genre de tombe. Oui, en ce moment. Années 650 avant notre ère. Ah oui, un vrai sujet de recherche. Ah oui, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui y travaillent. Nous avons eu un colloque il y a 2 ans. Pratiquement tous les collègues qui travaillaient dans cette nécropole étaient là. Et c'était un échange formidable. On se visitait, on passait d'une tombe à l'autre. On allait chez le voisin de tombe et on comparait. On s'échange les données. Non, il y a beaucoup de gens qui travaillent en ce moment là-dessus. Et il y a eu des grandes découvertes de tombes, par exemple, un violet ou ce genre de choses. Oui, on a trouvé, parfois des enterrements secondaires. Dans une des tombes, on a trouvé un enterrement intact avec la momie, le petit matériel et le matériel d'embaumement. Il y avait même la trousse d'embaumement qui était avec. Qui serait d'ailleurs la tombe la plus connue, le personnage le plus connu de cette époque, de la 25e, 26e dynastie? En termes de... Qui est très peu connu de fait, cette période. Oui, en termes de mythologie auprès des collègues, c'est quand même Paddy Amenopé qui a la palme. Hein, parce que quand on a annoncé aux collègues la tombe de Paddy Amenopé est ouverte, on faisait la queue à l'entrée pour venir la voir. Et c'était tous des professionnels. Il n'y en a pas d'autres. Oh si, il y en a d'autres, il y a Montumhat, son collègue Montumhat est aussi un personnage très très étonnant. Mais c'est la version, je dirais, moins intellectuelle de Paddy Amenopé. Lui, c'était un politique, il avait pratiquement un titre de pharaon. Il était à tu et à toi avec les Assyriens, enfin j'exagère peut-être un petit peu, mais il a négocié avec les Assyriens. Alors que Paddy Amenopé, en dehors de sa tombe, on ne sait rien. Dans celle de donc dans la tombe de Paddy Amenopé, rien n'est comparable aux autres ensembles déjà fouillés que vous avez évoqués à l'instant. Alors quand on rentre dans la tombe, on dit oui, ou après tout, c'est bien comme chez Karabasken ou son autre collègue Montemat. Et puis, à mesure qu'on avance, on est sidéré. La première partie de la tombe, les trois premières salles sont assez classiques, très grandes. Hein, la première salle fait 18 mètres de long sur 9 mètres de large, vous voyez, un petit peu, c'est quand même important. Puis ensuite, il y a un couloir qui s'ouvre à droite. Et alors là, ça change, parce qu'on a des pastiches de l'ancien empire. Dans la première salle, nous avons des textes qui sortent de l'ensemble des textes que nous appelons les textes des sarcophages. La salle suivante, nous avons des représentations qui viennent de du rituel de l'ouverture de la bouche. Et puis ensuite, on a des grands escaliers qui sont des copies conformes des tombes de la Vallée des Rois, vous rendez compte ? Grandeur nature. Et tout en bas, il y a un couloir un peu incliné qui va à droite, alors c'est très embrouillé, avec une salle de sarcophage copiée d'après les pyramides de l'Ancien Empire. Donc c'est une sorte de musée de maquettes grandeur nature des grandes tombes royales. C'est une chose complètement folle. On a des puits, on a des descendries. Puits, oui. Oui. Alors, dans la partie Nouvel Empire, il y a un puits assez profond, d'une vingtaine de mètres. On est descendu, mais en bas, il y a des gravats, il faudra le vider. Une chambre funéraire latérale, on ne sait pas ce que c'est. Il y a encore de la fouille à faire, dans des conditions techniques assez difficiles. Alors, ensuite, nous avons, à un moment donné, apparaît un appartement extraordinaire, puisqu'il s'agit d'un couloir qui tourne autour d'une masse réservée dans la montagne. Une masse de 16 mètres de côté, vous imaginez un carré de 16 mètres de côté, de 3 mètres de haut, avec toute une série d'inscriptions, des statues très belles, malheureusement, très cassées. Et nous savons que c'est l'image du tombeau du dieu Osiris. Et ça forme un lieu de culte. Et derrière, il y a 3 petites chapelles où Paddy Amenopé est comme officiant. Or, à l'entrée de cette chose magnifique, il y a d'ailleurs une inscription de malédiction qui protège, il y a un texte d'accueil. Et ce texte, quand nous l'avons découvert en 2005, il m'a ému. J'étais là, j'étais entouré d'un tas de collègues, tout le monde courait dans tous les sens, on était très excités, vous rendez compte. Et je m'arrête devant ce texte, je dis, tiens, il n'a jamais été publié par Dumichesne, qu'est-ce que c'est? Je commence à le lire. Et là, je me suis dit, ben voilà, je suis attendu, nous sommes attendus, parce qu'il dit, ô vous les vivants, qui rentrez dans cette tombe. Ça, c'est assez banal. Mais il continue, ceux qui êtes nés, qui seront à naître dans les générations futures. Ça, c'est déjà moins ordinaire. Mais ce qui est rarissime, c'est qu'ensuite, il décrit les gens qui visitent cette tombe. Il dit, ce que vous soyez... Alors, il y a 3 catégories. 2 d'entre elles existent encore. La première n'existe plus parce que je ne suis pas adorateur du dieu Montu. Il dit, si vous adorez le dieu Montu, venez ici. C'est très bien parce que Montu est un dieu important dans cette tombe. Très bien. Deuxième catégorie, ce sont ceux qui parcourent la nécropole pour se distraire, les touristes. les gens qui connaissent assez d'égyptologie pour voir un peu ce que c'est, mais qui lisent peut-être pas forcément les hiéroglyphes. Donc ça, c'est les touristes. Donc on est attendu. Et la troisième catégorie, si vous êtes des savants qui veulent copier des textes, venez, rentrez dans cette tombe, regardez ce qu'il y a sur les parois. Prononcez mon nom, c'est ce que j'ai fait tout de suite, bien évidemment, et vous aurez un avenir heureux, et surtout, fructifiez cette tombe, parlez-en, donc c'est ce que je fais en ce moment, je pense à lui, hein, tout à fait, et concluons en disant, faites fleurir ce qui est flétri, c'est-à-dire réparer ce qui est cassé. Ce que je vais essayer de faire si j'obtiens des crédits par des mécènes. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Claude Tronicker, avant même l'ouverture de la tombe, vous émettez une hypothèse. Cette tombe n'est pas qu'une sépulture. Ses parois pourraient être une bibliothèque. Oui, cette idée m'est apparue parce que j'avais vu que le livre de l'Hymne d'Ouat était représenté deux fois. Une fois dans ce fameux couloir qui tourne autour du tombeau mythique d'Osiris, et une autre fois dans le caveau. Or, c'est pas une photocopie, hein, quand vous avez quand même le livre de l'Hymne d'Ouat, vous avez 12 panneaux qui font 2 mètres sur 1 mètre, avec des centaines d'hiéroglyphes à tailler dans la roche. C'est pas une chose qu'on emmène comme ça, reliée sur sa tablette. Hein. Donc c'est assez curieux. L'exemplaire qui est dans le caveau est destiné à l'avenir, dans l'au-delà de M. Padiaménopé. À quoi sert l'autre exemplaire? À nous, aux visiteurs qui viennent le voir. Donc j'avais émis ça, même avant de rentrer dans la tombe. En décembre 2005, vous percez le mur et pénétrez dans la tombe. 10 ans de recherche donc débutent. Comment est l'édifice? Vous pensez qu'il y a encore vraiment des choses à trouver? Ah oui, oui, que oui, tout absolument, n'a pas été totalement pillé? Alors, à trouver, oui, si on peut vider les fameuses salles. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un leurre que nous a mis Padiaménopé pour qu'on perde du temps à vider une salle, il n'y a rien. Mais on verra bien, il faut quand même la vider, on verra. Mais il y a des choses absolument trouvées. Et puis, nous n'avons pas examiné toutes les inscriptions. La dernière fois que j'y étais, donc il y a quelques semaines, je vois un mot sur le haut d'une paroi qui m'accroche comme ça. Je dis, tiens, c'est curieux, ça c'est pas du vocabulaire funéraire, c'est un mot qu'on pourrait traduire prendre du bon temps, se divertir, être tranquille au bord de sa piscine avec un petit whisky. Vous voyez, hein, enfin pour eux, c'était quand ils étaient au bord des étangs à chasser les canards avec les bougons. C'est ce que ça fait là. On regarde l'inscription avec mes collaboratrices, avec Sylvie Yenaudi, qui est une spécialiste du Livre des Morts, et puis Isabelle Régent, spécialiste des livres funéraires, et on voit l'inscription, dit, voilà, je prends plaisir à me divertir dans cette tombe, dans ce monument, qui est mon lieu de prédilection de mon cœur. Donc, il se montre comme quelqu'un qui a plaisir à être là-dedans. Or, c'est pas uniquement en tant que momie et défunt. Moi, je pense que cette tombe, pour lui, était un exploit, et je le vois très très bien faisant rentrer ses collègues, peut-être Monsieur Montemat, en disant, tiens Montemat, venez donc voir un petit peu ce que j'ai inventé pour celle partie de ma tombe. Que sait-on de ce personnage? Moi, je dirais, il est très énigmatique. Il est très énigmatique parce que nous n'avons pas ses pensées. Nous avons son aspect physique à travers les 10 statues qu'on connaît de lui et les bas-reliefs. Moi, je pourrais, si on fait un film sur Padiaménopé, un film de fiction, je pourrais faire le casting. Je vois à peu près la tête qu'il avait et voir même son regard. Il devait être malicieux, cet homme. Pas très rigolo, je pense. Hein. Le portrait de Berlin est assez sévère. Mais psychologiquement, on ne sait pas grand-chose. Mais il y a un tas de petits détails. Il y a un truc extraordinaire. Par exemple, dans un passage de la porte, je trouve un texte d'une très grande poésie. Il décrit son amour pour le dieu comme des fleurs qui sortent dans les prairies inondées du Nil. Enfin, quelque chose de très beau. Or, le dieu en question, c'est le dieu Montu. Or, le dieu Montu n'est pas un dieu d'amour, c'est un dieu guerrier. Donc, on sent là une fibre poétique. C'était quelqu'un qui avait certainement beaucoup de raffinement. Claude Tronicker, je rappelle pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture que vous êtes professeur émérite à l'Université de Strasbourg, mais surtout le fouilleur de la fameuse tombe de Padiaménopé. L'Égyptien Padiaménopé, le magicien ritualiste, prêtre des deux grands diadèmes, premier lecteur en chef, ça veut pas dire grand-chose pour moi, tout ça. C'est-à-dire, il y a certains de ces titres qui sont purement honorifiques, et qui ne voulaient pas dire grand-chose, mais quand même, je retiens serviteur des deux couronnes, donc c'était un monsieur qui était chargé du soin des rituels autour des couronnes et des insignes du pouvoir à l'époque pharaonique, pendant ces dynasties-là. Il est magicien, il a un rôle probablement important, mais pas capitale dans l'histoire de l'Égypte, hein, durant la 25e, 26e dynastie. J'aurais bien aimé être dans un coin de son bureau pendant qu'il consultait. Moi, je pense qu'il a dû jouer un rôle, mais nous n'avons pas des documents. Alors, magicien, parfois on le dit, parce que c'est vrai que le titre qu'il a est traduit en copte par magicien. Mais en tout cas, c'était un homme du savoir, on devait le consulter chaque fois qu'il y avait quelque chose d'un petit peu intellectuel, probablement. Claude Tronecker, vous écoutez visiblement dans la sépulture, vous lisez le texte, l'épigraphie sont primordiales dans votre travail d'égyptologue. Oui. D'ailleurs, vous ne fouillez pas, vous repérez des choses. Moi, j'aimerais bien fouiller, mais ça c'est encore un autre métier. Si on a assez de crédit, on va engager des archéologues. Mais actuellement, mes deux principales collaboratrices, donc Sylvie Enodi, spécialiste du Livre des Morts, une Italienne brillantissime, et Isabelle Réjean, tout aussi brillante qu'elle, spécialiste des livres funéraires. Et moi-même, je m'occupe du reste, c'est-à-dire les textes de passage, et je m'intéresse surtout au fonctionnement de la tombe. Et donc, j'ai découvert tout récemment que le mystère de ce fameux cénotaphe, on ne savait pas ce que c'était il y a quelques semaines, je pense l'avoir résolu, on n'a jamais sûr à 100%, mais j'ai une piste formidable. C'est la copie, pas grandeur nature, mais la copie en trois dimensions d'un monument, le monument capital de la ville d'Abydos, qui est le lieu de pèlerinage d'Osiris. Alors, l'original a disparu, mais Padiaménopée nous a laissé pratiquement une photographie dans sa tombe. Alors du coup, ça permet d'expliquer la tombe qui devient lieu de pèlerinage pour toutes les personnes de la région. Et j'ai même trouvé un texte où Padiaménopée est appelé une sorte de bienfaiteur de tout le monde. Et en même temps, maintenant que je peux transposer ce monument décrit dans la tombe de Padiaménopée à Abydos, ça change totalement la lecture du site. Donc c'est les collègues d'Abydos qui vont, les Allemands et les Américains qui vont un peu vibrionner devant nos découvertes. Claude Tronecker, pourquoi possède-t-il une tombe hors norme, bien plus vaste que celle des pharaons ? Alors ça, c'est un grand problème, parce que j'en discutais avec un collègue américain qui m'a dit « Vous ne pensez pas qu'en fait, c'est une commande du roi lui-même ? C'est possible. » Mais comme il ne cite jamais le nom du roi. Mais là, il y a un mystère qui nous échappe totalement, parce qu'il fallait quand même avoir des moyens financiers considérables pour faire cela. Or, il n'est pas ministre de quoi que ce soit. Nous ne savons pas. On peut toujours imaginer. Et ce qui est aussi très curieux, c'est que Padiaménopée ne cite jamais les noms de son ascendance. Il crée une sorte de mystère autour de lui, alors que d'autre part, il nous offre des données absolument extraordinaires sur l'histoire de son pays au 7e siècle. Ça nous a sidérés, parce que avant on savait rien, parce que la tombe n'était pas ouverte, et Dumichet n'avait copié que les grands textes rituels et pas les textes historiques. Et je me suis dit, on va trouver enfin le nom du père, des ascendants. Alors j'ai trouvé une trace, enfin il y a 20% de la paroi qui est conservée avec l'ascendance, mais ce ne sont que des sœurs, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines. Or ça, c'est une habitude typiquement éthiopienne. Et d'ailleurs, la succession des rois éthiopiens de cette dynastie passe souvent par des branches latérales. Alors, pourquoi lui se met dans ce schéma? Je me suis même demandé, mais ça, vous savez, on est obligé d'imaginer beaucoup. Mais si on n'imagine pas, on n'avance pas dans notre métier. Je me suis demandé s'il n'avait pas une relation familiale avec la famille royale, peut-être par sa mère, qui a un titre quand même assez élevé auprès de Pharaon. Qui aurait pu être éthiopienne. Qui aurait pu avoir, oui, une ascendance nubienne. C'est tout à fait possible. Les murs des parois pourraient être une bibliothèque. Que peut-on lire? Le livre des cavernes, mais aussi du jour et de la nuit, des pyramides, comme des portes. Racontez-nous un peu. Alors, Tout ça est très mystérieux. Oui. Alors, quand on rentre dans la salle 4, tout de suite à droite, on voit les 10 objets des textes des sarcophages. C'est la partie la plus spectaculaire des textes des sarcophages. Alors, je pense que le collègue de Padiaménopée qui rentrait, ou même un Égyptien quelques années après, disent « Ah, ben c'est le texte des sarcophages un peu plus loin ». On a une version complète du fameux rituel de l'ouverture de la bouche. C'est assez classique. C'est très classique, mais c'est la seule version, une des rares versions complètes que nous ayons. Ensuite, on prend à droite dans le secteur disons, liturgique. Et là, il y a l'ensemble de l'hymne douat et de Livre des Portes. Or, ça, Isabelle Réjean pourra mieux vous l'expliquer que moi. Elle a découvert que non seulement Padiaménopée a copié ces textes, mais il les a réécrits. C'est-à-dire, quand il y avait des passages abîmés, quand il les a copiés, soit dans des bibliothèques, soit dans les tombes royales qui sont à 2 kilomètres de là, il a complété et il rajoute des sortes de notes de bas de page avec des résumés. C'est formidable. On a vraiment le travail d'un collègue. Ces textes tardifs peuvent-ils nous renseigner, nous éclairer sur les textes plus anciens dont ils sont issus, bien sûr. Parce qu'ils nous montrent comment les Égyptiens manipulaient leur propre savoir liturgique. C'est-à-dire, on voit très bien comment ils le ressentaient, les besoins qu'ils avaient pour les expliciter et continuer à les faire vivre. Et d'ailleurs, je soupçonne Isabelle et Sylvia également, nous soupçonnons Padiamenopée d'être à l'origine des grands décors, des grands sarcophages des dynasties suivantes. 30e dynastie et tout ça, on a des scènes qui pourraient être inspirées par les parois de la tombe de Padiamenopée. Alors il y a donc d'un côté des textes très classiques, hein, et puis il y a aussi des textes de malédiction où il y a aussi des textes où Padiamenopée interpelle carrément le visiteur. Oui. Donc oui. Très personnel. Oui, oui, absolument. Le texte d'accueil est assez personnel et on sent à travers, dans les petites chapelles, il y a ce que nous appelons des monographies, ces 6 textes, il raconte un petit peu ce qu'il a fait dans la région et ça c'est très intéressant parce qu'il y a des descriptions de liturgie. Donc on le sent qui apparaît de temps en temps. Donc c'est un personnage, je ne dis pas insaisissable, mais il nous manque effectivement mes souvenirs ou bien ce qui faisait vraiment exactement son activité quotidienne. On n'a jamais retrouvé de relation parlant de Padiamenopée dans un... Alors d'autres textes. Hein. Alors assez curieusement, j'ai pas mal cherché. On connaît assez bien son entourage, mais le hasard de l'archéologie fait que nous n'avons pas de documents où on parle de lui. Je ne désespère pas d'en trouver un jour. Alors l'architecture est aussi très intéressante puisqu'il y a des sortes de pièges, de leurres, etc., etc. Il y a des sortes de maquettes. On est face à un véritable musée d'architecture. Oui. Alors c'est frappant pour le secteur de l'ancien empire. Il a même reproduit la pente des couloirs qui descendent au fond des pyramides. Mais ce qui est absolument incroyable, c'est que ça ne peut fonctionner que si on le fait visiter. Parce que pour lui, il a son caveau, il a tout ce qu'il faut, il a tous les livres funéraires qu'il faut pour monter dans la barque du soleil et vivre éternellement avec les étoiles qui sont près du ciel du nord. Ça, il l'a. Mais les autres parties de la tombe ne prennent leur valeur que s'il y a des touristes, des gens qui viennent. Nous voici devant un musée de l'architecture ancienne de l'Égypte. Nous sommes donc bien plus que sur un lieu de mémoire. Nous sommes sur quelque chose qu'on pourrait appeler un mémorial. Oui, je crois que le terme de mémorial est parfaitement bien indiqué pour ce monument. Oui, absolument. Mémorial destiné aux générations futures. En plus, c'était un homme. En même temps, il voyait de sa tombe brûler Thèbes en face. Et je pense quand même qu'il nous interpelle, nous, directement, nous, hommes du XXe siècle, où nous savons que Palmyre risque d'être détruit. Et je pense un peu à Padiamenopée, qui pensait que le temple de Karnak allait être détruit par les Assyriens. Est-ce une œuvre pour la postérité, une bulle temporelle, un message pour les générations à venir et par la même occasion pour les archéologues ? Oui, je crois, oui, absolument. Moi, je ressens comme ça un message pour les générations à venir, pour qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé avant nous et surtout qu'on fasse très attention, parce que tout peut se reproduire, le meilleur comme le pire. Une sorte de bibliothèque d'Alexandrie, funéraire ? Un petit peu, oui, oui, oui. Oh, c'est beaucoup plus réduit que la bibliothèque d'Alexandrie, bien sûr. Mais il y a vraiment une volonté de conservation pour nous, pour qu'on ne perde pas espoir. Pourquoi cette œuvre, Claude Tronecker ? Peut-être parce que les années 700-650 sont un peu troublées ? Il y a ça d'une part, et assez curieusement, c'est aussi une période où on voit Assurbanipal, le pauvre, hein, qui vient d'avoir des ennuis au musée de Mossoul, et bon, il a détruit Thèbes, mais quand même. C'est en même temps, à ce moment-là, que apparaissent les premières versions écrites de la Bible. Claude Tronecker, merci beaucoup. La semaine prochaine, le Salon Noir sera consacré aux plus anciens outils jamais découverts et à la mission West Turkana au Kenya. Le Salon Noir était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Clément Daté, attaché d'émission Catherine Donné. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir, sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr.